carte à musique est déchargée. La notoriété, elle te suffit plus. Tu dois tout payer, la coque et les putes. T'es un artiste, elle t'est emmerdée. Carte à musique, elle est déchargée. La notoriété, elle te suffit plus. Tu dois tout payer, la coque et les putes. Cyberculture pour tous, le partage à dramatique. Yeah.